C'est fou 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. La portion top 5 des palmarès Cifou pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Salut Tania, un autre midi encore ensemble. Eh bien oui, c'est comme ça. Nos midis, on les passe ensemble. Oh, nos matins aussi. Nos matins aussi. Mais pas les soirées. Non, aucun nom, ça, je suis désolée. On est ensemble du lundi au jeudi entre midi et 13h pour les palmarès Cifou cette session-ci. Alors, on salue aussi les gens qui nous écoutent en édition week-end les samedis de midi à 16h. Donc, c'est la portion top 5 de l'émission. Donc, les positions 5 à 1. On va savoir d'ici la fin de cette heure, si le numéro 1 anglophone est toujours Queens of the Stone Age avec Feet Don't Fail Me Now. Et du côté francophone, bien, on va essayer de savoir si c'est toujours les Michel avec Tôle Froide. Et pour ceux qui suivent l'édition Weekend, vous allez voir l'évolution ou la dévolution de notre voix entre la première et la quatrième heure. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Oui, c'est un. C'est, comment on appelle ça? L'étude des gens. C'est ça. C'est différent. Ouais, c'est ça. Bref. Ah, c'est quoi le mot? Anthropologie. Oui, OK. Anthropologie. Oui. Ouais. C'est ça. Aussi, d'ici la fin de cette heure, tu vas nous présenter ton bloc huile de palmarès. Oui, exactement. Aujourd'hui, je vous ai préparé un petit spécial. Spécial? Oui, parce qu'en fait, durant l'été, j'ai l'émission de Radio en piste avec Tania Baudin, qui se spécialise du côté du monde du sport automobile, mais aussi de la musique country. Oh. Et puis, je me suis dit, bien, on a quand même eu un été qui s'est prolongé. Mm-hmm. Je trouve que ça fait quand même country. Fait que je vous ai fait une huile de palme country. Ah, ben, Colin, de Tanante, toi, j'ai bien hâte d'entendre ça. Oh, c'est malade. Oui. Mais avant ça, on commence par les cinquièmes places. En anglophone, ce sera Cheap Trick avec Long Time Coming qui monte d'une place. Et du côté francophone, eh bien, on monte de deux positions pour Catherine Leduc avec Rien comme le froid. C'est les palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Oh, c'est tout doux comme petite chanson. Oh, petite chanson. Petite chanson. Bon appétit. Allez, bosse à nous. Prennent fort. Rien que 5. Puis on aime ça, puis demain c'est pas important. c'est pas important. 4. Sabatour Blues. Sabatour Blues. Par Google Bordel, position numéro 4, anglophone, sur l'album Seeking and Finders, ça monte de la 19e place. Et du côté francophone, eh bien, en 4e place, on est descendu d'une place depuis le dernier palmarès. C'était Canaille avec Rendez-vous Galant. T'as bien dit Canaille. Canaille. Et non pas Cannibal. Eh bien non, j'ai bien dit Canaille, Mathieu. Pourquoi? Parce qu'on vous souhaite bon appétit. si jamais vous avez un voisin russe, des fois, qui est peut-être descendu de là-bas, faites attention à son pâté à la viande. Hein? Si vous n'avez pas encore vu passer cette nouvelle-là, et on fait rarement de l'insolite ici, vraiment très rarement, mais celle-là m'a trop attiré le regard. Le couple de cannibales russes qui a trouvé un moyen d'arrondir ses fins de mois en vendant des tartes à la viande humaine. Natalia Bakcheva et son mari Dmitri Bakchev ont avoué avoir assassiné une trentaine de personnes afin de les démembrer et de dévorer les restes. Pendant leur perquisition, les policiers ont découvert des restes humains hachés dans le réfrigérateur et congélateur du couple de cannibales, selon Russia Today. La femme faisait le tour des cafés environnants pour vendre ses tartes en disant même qu'elle pouvait être chef. Tu sais, les sandwichs à la chasse sont bons. Ouais. Ils n'ont pas de viande humaine dedans. Ça pourrait être une nouvelle campagne publicitaire. Aucune viande humaine. Ça pourrait. Aucune. Écoute, ça serait pas pire comme publicité. Okay. Questionnée à savoir ce qu'elle mettait dans ses tartes, elle a répondu « Bah, n'importe quoi, là, ce qui me tombe sous la main. » Elle aurait vendu de la nourriture à des stagiaires militaires et des pilotes en herbe qui fréquentaient l'académie militaire où elle travaillait. Le couple a été arrêté à la mi-septembre après que les policiers aient mis la main sur un téléphone cellulaire dans lequel ils ont pu voir des autoportraits, des selfies. C'est dégueulasse. Des suspects avec, bon, le reste, pas besoin d'en reparler mille fois. Nouvelle qui fait le tour en ce moment, c'est super, super tendance comme nouvelle, mais quand même... Ça me répugne. Ouais, c'est pas tant... Non. Pas sur l'heure du midi, tu sais. Pas pendant qu'on mange, tu sais. Non, c'est ça. Je suis pas certaine. On est chanceux de manger après l'émission. Ça me coupe l'appétit. Ceux qui mangent pendant, bonjour. C'est ça. On va essayer de pas faire ça trop souvent. On est rendu au position numéro 3. Du côté anglophone, c'est The Andy Kaufman's avec Inked Heart qui monte de 13 places de nouveau la semaine passée. Et du côté francophone, eh bien, on fait un excellent saut de la 20e à la 3e place. Regarde le lien. Pour Zen Bamboo avec Vladimir. C'est russe, ça! Quel hasard, la Russie aujourd'hui! Incroyable! C'est des paparazzi, c'est fou! Au 89 FM! C'est fou ce qui est... C'est lourd, ça joue pas. Qu'est-ce passe-t-il? Comment? Cette pièce-là, on a de la misère à la jouer. Hein? Je sais pas pourquoi, je sais pas qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Peu importe où on essaie d'aller la chercher, ça fonctionne jamais. Je sais que Mathieu, on a réussi de peine et de misère hier à la faire jouer. Ouais. On essaie-tu encore? Je ne crois pas, non. À un moment donné, on se tanne. Ouais, ben un c'est gars ça, se hein? tanne. On va juste continuer avec les positions numéro 2 à la place. Donc, on va entendre tout de suite les Michel avec Tôle froide. C'est les palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Yeah. Steven Wilson avec Permanating qui monte de 5 places, anciennement 7e, maintenant en 2e position anglophone. Et du côté francophone, eh bien, on sait maintenant que ce sera plus les Michel au top 1 parce qu'on vient de les entendre avec Tôle froide. Et justement, on aura nos numéro 1 en toute fin d'émission dans une vingtaine de minutes environ, mais avant ça, c'est le moment de regarder ce qui se passe dans le tordeur de Huile de Palmarès. Non, ça, c'est l'intro de ailleurs dans les palmarès, par contre, je dois dire que non. Ouais, non, c'est pas... Plutôt, non. Je suis désolée, Mathieu, c'est pas la même c'est chose. C'est plutôt ça ici. Ah, voilà. Exactement. Donc, je peux laisser aller, genre, ouais. ce beat-là pendant vraiment longtemps. Je peux pas juste le baisser. À l'écouter. Je peux juste le laisser allumer. Oui, ça. Tu peux faire ça. Ça va mal parler par-dessus. Par ouais, contre, c'est ça. Hein? Comme je vous disais tout à l'heure, eh bien, j'ai décidé aujourd'hui de vous offrir, en ce moment-ci, tout dépendant de la période à laquelle vous écoutez l'émission, là, en ce moment. On vit dans le moment présent. C'est ça. Ouais, oui. J'ai décidé de vous faire un petit spécial Huile de Palmarès côté country pour se rappeler le soleil qui ne sera plus des nôtres pendant un bon bout de temps. Regretter soleil. Il a déjà commencé à faire froid. Oui. C'est fini le beau temps. Non, c'est pas vrai. Non, je sais pas. J'espère pas. Mais aujourd'hui, je vous offre en fait que des chanteurs ou chanteuses country canadiens. Hey, canadiens! Les petits canadiens! Notre quota canadien! Exactement. Je vais faire passer notre quota là-dedans. Merci. Ça fait plaisir. Ça nous aide, mais c'est pas en français, fait que tu nuis. Non, je sais, je suis désolée. Mm. Mais par contre, ce sont tous des nouveautés du côté de nos artistes canadiens country. Et je vais commencer tout ça en musique avec un dont j'adore la voix, c'est Andrew Hyatt et sa nouvelle pièce « That's How I'm Living ». On écoute ça dans « Huile de palmarès ». Well, I'm a social thinker, I'm a pretty deep drinker, I got guitar fingers on my hands. I'm a good town chaser, I'm a good love maker, and my girl, she knows I'm her man. I get up when the sun comes up, I get down when the moon comes out, I get sideways every now and then. I get wild when I got a crowd, I get crazy when they get loud. One thing I know is tomorrow ain't no given. Yeah, life is short and that's how I'm living. Well, if you're dreaming, go live it. If you want it, go and get it. Cause nobody's gonna put it in your hands. No, no, no, no. When I'm tired, well, I fight it. When I'm scared, I try it. If there's money to make and some fun that I ain't had. Cause that's just who I am. I get up when the sun comes up. I get down when the moon comes out. I get sideways every now and then. When they get loud, one thing I know is tomorrow ain't no given. Yeah, life is short and that's how I'm living. I get up when the sun comes up, I get down when the moon comes out, I get sideways. Every now and then I get wild when I got a crowd, I get crazy when they get loud. One thing I know is tomorrow ain't no given. Yeah, life is short and that's how I'm living. Girl, I know we just met, barely had a conversation, yeah. I hate to get ahead of myself, but what do you do, man? It ain't like me to make a move. When I saw you from across the room, all I could think about was asking you, what do you do, lady? Yeah. Probably hating me for moving in. Don't wanna steal you away from them. So what do you do now? I had no plans till I met you. Ain't a lot of things around here to do. Now I could think of quite a few. So what do you do later? David James avec Later. Et avant ça, on a entendu la première qui était Andrew Hyatt avec That's How I'm Living. Mm-hmm. Deux pièces que j'ai beaucoup aimé à entendre dans les derniers temps parce que justement, elles sont nouvelles et ce sont des artistes country canadiens. Alors, c'est tout le temps le fun de voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. David James, c'est pas David James Gandy, là, rassurez-vous, c'est pas l'acteur américain okay. et le mannequin. Non, c'est vraiment un Canadien, un petit Canadien mm-hmm. qui nous chante du bon petit country ouais. dans nos oreilles. Et on ouais. aime ça. Et bien, comme ça, là, je me suis dit, pourquoi pas faire un spécial aujourd'hui, puis faire quatre hey. Chansons wow. dans l'huile de palme. On a le temps. J'y vais all-in aujourd'hui du côté country, parce que ça me manque un petit peu ce côté-là que j'ai pendant l'été. Tu prendrais bien une émission country si c'était pas du fait que t'as mis l'affaire à faire dans la vie. Hein? Bye boy! Hein? Une heure de plus! Ça serait merveilleux. Mais je vais vous offrir en fait la plus récente tune de Brett Kissel avec We Were That Song. Et après ça, tout juste après ça, mm-hmm. on va entendre la seule fille du bloc country mm-hmm. aujourd'hui qui est Lindsay Hell. Bon, on commence avec Brett Kissel. Certainement. C'est Will de Palmarès. We were the wild and the free and the wind. We were the backseat leaning in. We were the running wide open in the headlights. Hearts on fire in the midnight. We were the slow and the dance in the dust. Jack and Diane with the radio up. We were living the line about loving and learning to fall and to fly in that summertime thing. We were the song on the radio playing. We were the words the singer was singing. Yeah, we were the oh, we were the hey. The made you wanna sing along. The rain, we were the lonesome like a train. We were the let go, we were the heartbroke. We didn't know that it would end this way. We were the almost, yeah, but not quite. We were the steel guitars to cry on the line about loving and leaving and lonely in the might have been, the might have been. We were the song on the radio playing. We were the words the singer was singing. Yeah, we were the oh, we were the hey that made you wanna sing along. Yeah. And I had to call. We were the feeling that you can't shake off. That I was a fool and you were the one. How did I ever let you get so gone? We were the song on the radio playing. We were the words the singer was singing. Yeah, we were the oh, we were the hey that made you wanna sing along. Yeah, we were. What's not to like about this new love thing? Midnight kisses, slow dances in the rain. But you got my heart beating fast. Yeah. Where this is going, baby, I can't say. Every time you leave me, I just want you to stay. But I gotta know where you stand. Like the dry ground, waiting for the rain to fall down. I'm the July sky, you're a bottle rocket, I'm waiting on you. Like a sailboat, wishing for the wind to blow. Like a fast car, looking for the green to go. I'm right here, baby, don't keep me waiting on you. I'm not talking about no diamond rings. Why picket fences, those forever things? Gotta make your move. Like the dry ground, waiting for the rain to fall down. I'm a July sky, you're a bottle rocket, I'm waiting on you. Like a sailboat, wishing for avec Waiting on You, et avant ça, on a entendu Brett Kessel avec We Were That Song sur les ondes de C'est Fou 89 FM, et bien évidemment, dans l'huile de palmarès. Ok, oui, d'où la musique qui t'aime derrière. La quatrième est ma préférée, je pense. J'ai bien aimé celle-là quand même. J'adore ça. Pour du country. Écoute, pour du country, mais c'est le fun parfois écouter du country comme ça. Oui, ça fait ça super. Ça change de l'habitude. Tout à fait. Merci, Tania. Fait plaisir. On fait l'huile de palmarès chaque semaine pas mal. Oui. Des fois, même deux fois. Parfois. Parfois. Il nous reste seulement les numéros 1. Oui. C'est là qu'on est rendu. On a juste assez de temps pour les numéros 1. Donc, en anglophone, je vous révèle tout de suite que le numéro 1 de la semaine passée continue d'être numéro 1. Ouh, c'est Queens là of the Stone Age qui est encore en première place après seulement 3 semaines. Je veux dire, 3 semaines dans le palmarès et 2 semaines au numéro 1. C'est quand même pas pire. Hein? La pièce est Feet Don't Fail Me Now sur l'album Villains. Et du côté francophone, eh bien, c'est l'ancien numéro 2. En fait, on parle de paupières avec Défunte Lune de Miel. Au palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Mm-hmm. Soir la lune est pleine. Soir... de lune de miel. Papillon solennel, recherche une étincelle. Des ampoules, des lampadaires. just gotta move on. Queens of the Stone Age avec Feet Don't Fail Me Now. C'est ce que se termine notre portion top 5 des palmarès. C'est fou. Merci d'avoir été là. Merci Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu. À la prochaine. À la prochaine. Bye.